Sa croupe se recourbe en repli tortueux. Marie-Thérèse ferma les yeux pour échapper à l'horreur de se voir côte à côte sur le même fauteuil avec le mort qui devait l'emporter dans la terre, et aussi pour ne pas les voir, eux, les ponchos rouges, pour ne pas les voir, pour ne pas les voir. Car elle se rendait de plus en plus compte que, si son regard se croisait avec celui de Raymond ou avec celui de son père, elle éclaterait en sanglots ou se lèverait comme une femme ivre pour courir à eux ou leur crierait quelque chose qui les perdrait tous. Cependant, malgré ses paupières closes et malgré qu'elle parût déjà aussi momifiée que son compagnon le roi, elle était renseignée. Le petit Cristobal, par-dessus les bras recourbés de sa sœur, regardait tout ce qui se passait, et il lui disait tout bas, si bas que Marie-Thérèse sentait à peine son souffle monter le long de sa gorge nue, « Raymond a levé la tête, et puis papa, papa a fait un signe, mais il ne faut pas le dire. » Marie-Thérèse mit sur le souffle de l'enfant sa main qui tremblait, et il comprit qu'il devait se taire. Ainsi ils étaient là, pensait-elle. Qu'allait-il tenter? Qu'allait-il pouvoir faire? C'était horrible de les savoir là, cachés et impuissants. Car s'ils n'avaient pas été impuissants, ils ne se cacheraient pas. Ils seraient venus avec la police, avec les soldats. C'était cela qu'elle ne comprenait pas. Pourquoi se cachait-on pour la sauver? Les Indiens étaient donc les maîtres du pays maintenant? Elle pensa à la Révolution, au général Garcia qui avait demandé sa main. Pourquoi n'était-on pas allé trouver Garcia? Il serait accouru avec son armée près d'elle. Mais eux, cachés sous leur ponche rouge, qu'allaient-ils faire au milieu de ce peuple qui voulait sa mort? Que pouvaient-ils pour elle? Cependant, ils devaient avoir leur plan. Et Mama Connache chantait. Des tremblements de terre ébranlèrent le sol, la lune fut entourée d'anneaux de feu de diverses couleurs, le tonnerre tomba sur l'un des palais royaux et le réduisit en cendres. On vit un aigle chassé par plusieurs faucons remplir l'air de ses cris, planer au-dessus de la grande place de la cité et, percé par les serres de ses agresseurs, tomber sans vie en présence des plus nobles Incas. À ces derniers mots, qui rappelaient, selon le rite, la défaite et la mort de leur dernier roi, tous courbèrent la tête avec des gémissements, et le souffle des joueurs de Kenya trembla dans les os des morts. Huascar lui aussi s'était incliné. Puis il releva le front, ses yeux rencontrèrent les paupières de Marie-Thérèse qui s'entrouvraient. Elle le vit et frissonna. Elle ne doutait plus qu'il l'aimât et que c'était lui qui la faisait mourir. Mais quand il fit quelques pas vers elle, elle crut sa dernière heure venue, tant son regard était sombre. Elle avait pu supplier la foule anonyme, celui-là, elle ne le pourrait point. Elle referma les yeux. Elle l'entendit alors qu'il lui disait, d'une voix lente et monotone, comme celle d'un prêtre à l'église, « Kwaya, tu appartiens à Wana Kapak, le grand roi venu des enfers, pour te conduire dans la maison du Fils du Soleil. Nous te laissons seul avec lui. C'est lui qui te conduira au seuil du mystère qui doit rester inconnu des vivants. Il te fera traverser les couloirs de la nuit et te fera connaître, selon le rite, la gloire de Cusco, fille du Soleil. Enfin, c'est lui qui, dans le temple, te fera asseoir au milieu des 100 épouses. Tu dois lui obéir, et si tu veux que le charme ne soit rompu, ne te lève que s'il se lève. Et souviens-toi que le serpent veille dans la maison du serpent. » Il se retira, reculons, avec les trois gardiens du temple, pendant que la foule des Indiens s'écoulait lentement par les trois portes. Toutes les Mama Connache s'en allèrent aussi, en ramassant leurs longs voiles noirs sur leurs têtes, comme des femmes en deuil qui sortent du cimetière. Et même les deux, qui allaient mourir, se retirèrent après avoir baisé les pieds de Marie-Thérèse, qui était nue sous la robe de peau de chauve-souris. L'idée qu'on allait la laisser toute seule dans cette salle que gagnait la prompte obscurité de la nuit, seule avec son petit Cristobal dans les bras, à côté du mort, l'emplissait d'une horreur plus grande que le spectacle que venaient de lui donner ces sauvages. Pourquoi s'en allait-il? Sans doute parce qu'il allait se passer quelque chose d'aussi atroce qu'il n'avait pas le courage d'y assister. Huascar l'avait dit, il y a des mystères que les vivants ne doivent pas connaître. Qu'est-ce qu'on lui avait préparé avec ce mort? Pourquoi lui avait-on défendu de se lever? Ne te lève que s'il se lève, il allait donc se lever. Ce mort allait donc marcher devant elle, la prendre par la main avec sa main hideuse de momie, l'entraîner chez les morts par les couloirs de la nuit. Au fur et à mesure que la salle se vidait, on eût dit également que la lumière la quittait. Et l'éponge rouge? Est-ce qu'il n'allait pas, enfin, venir à son secours? Est-ce qu'il n'allait pas l'arracher au bras du mort? Ou bien allait-il s'en aller comme les autres? Elle les regarde maintenant, tous les quatre prosternés sur les dalles. Les mamaconas lui ont dit « Ce sont les veilleurs du sacrifice ». Alors, eux, ils vont sans doute rester, parce que le sacrifice est proche. C'est leur devoir de rester. Vaskar a dit que tout le monde allait s'en aller, excepté le mort. Il ne pensait certainement pas aux veilleurs du sacrifice qui doivent avoir le droit de rester. Cependant, il faudrait savoir. Les gardiens du temple sont partis, Vaskar est parti, les quatre ponches rouges vont peut-être le suivre. Non, ils ne bougent pas. Ah, Marie-Thérèse peut les regarder. Ils ne la regardent pas. Ils sont là, écrasés sur la pierre, comme des choses inertes. Mais il n'y a plus qu'une vingtaine d'Indiens dans la salle. Qu'attendent les ponches rouges pour bondir vers elles? Qu'attend Raymond? Qu'attend Raymond? Oh, Marie-Thérèse, nous allons rester seuls avec eux, murmure le petit Cristobal. Ils nous sauveront. C'est cela, évidemment, pense-t-elle. C'est bien cela. Voilà le plan. Ils ont dû séduire les vrais veilleurs du sacrifice, les séduire ou les tuer, acheter la complicité de quelques caciques, ils aiment tant l'argent. Et ainsi ils se sont introduits dans la maison du serpent, sous les ponches rouges, sachant qu'à la fin de la cérémonie on les laisserait seuls, tout seuls avec Marie-Thérèse, le petit Cristobal et le mort. Allons, tout allait se passer le plus simplement du monde, car tout pour la fuite avait dû être préparé. Et bien sûr, ce n'est pas le mort qui résisterait. Maintenant, le mort faisait moins peur à Marie-Thérèse. Elle embrassa le petit Cristobal, qui lui rendit son baiser, la serra dans ses petits bras. Encore 5, 4, 3 Indiens. Ils se retournèrent pour la voir avant de partir. Ah, elle n'a garde de bouger. Non, non, pas un mouvement. C'est défendu. Elle ne doit se lever que si le mort se lève. Alors elle reste bien sage, avec son petit frère dans ses bras, sur son fauteuil d'or. Plus d'Indiens. Plus un. Plus personne que les quatre veilleurs du sacrifice, qui se lèvent à leur tour et prennent lentement, à leur tour, le chemin des portes. Oui, ils s'en vont, eux aussi. Ils s'en vont. Ah ! Marie-Thérèse a un sourd gémissement. Elle n'ose crier. Elle ne sait pas si elle doit, si elle peut crier. Mais de les voir s'en aller comme les autres, sans un regard de son côté, cela lui arrache le cœur. Et voilà que le petit Cristobal pleure. Il ne peut plus se retenir de pleurer. « Ils s'en vont, ils s'en vont !» dit-il dans ses larmes. Mais encore elle le fait taire. Il faut voir, il faut avoir du courage jusqu'au bout. Il y en a 3 veilleurs du sacrifice, qui, lentement, les têtes courbées sous le bonnet sacerdotal, s'en sont allés vers les 3 portes. Mais il y en a 1, le 4e, qui s'est arrêté au milieu de la salle, à demi tourné vers Marie-Thérèse. Et celui-là lui fait un signe. Et celui-là, c'est Raymond. Ah, sûrement ils seront sauvés. Ils sont sauvés. Mais il faut agir bien prudemment, n'est-ce pas? Bien prudemment. Les 3 sont donc allés aux 3 portes, et ils regardent avec précaution dans les cours, car chaque porte donne sur une cour, comme dans tous les palais incaïques, où aucune pièce ne communique avec aucune autre pièce. Est-ce que le peuple d'Indiens est parti? Est-ce qu'il est bien parti? Évidemment, c'est cela qu'il regarde, c'est de cela qu'il s'assure. Et Raymond trouve certainement qu'ils y mettent trop de temps. Il attend le signal. Il attend le signal. Et ses mains armées, terriblement armées, se tendent vers Marie-Thérèse qui, déjà, oubliant la recommandation de Vaskar, se soulève sur son trône d'or, alors que le mort, lui, reste comme il convient aux morts, surtout aux rois morts qui ont de la dignité et le respect d'eux-mêmes, immobile. Ah, le signal, c'est le marquis qui le donne, Requerda, souviens-toi. À ce mot d'ordre qu'il attendait avec une impatience mortelle, Raymond se précipite sur Marie-Thérèse. Le marquis le suit, et tandis que les 2 autres continuent de veiller aux portes, tous 2 bondissent, gravissent les hauts degrés de porphyre, tendent les bras à Marie-Thérèse. Et Marie-Thérèse, se levant tout à fait cette fois, pousse un cri de joie et de délivrance, et est déjà prête à se jeter dans leurs bras tendus avec le petit Cristobal. Quand tout à coup, dans la seconde même où elle va quitter le siège fatal, un sifflement sinistre se fait entendre, cependant qu'elle jette une clameur effroyable et qu'elle se débat avec l'enfant dans les replis monstrueux d'une bête énorme qui vient de jaillir autour d'elle, qui l'enserre de ses anneaux, qui la broie, qui la retient, qui l'emprisonne dans le fauteuil de la mort avec le mort. C'est le serpent de la maison du serpent qui garde sa proie. Raymond, le marquis, ont jeté un égal cri d'horreur devant ce rempart inattendu qui se dresse en face d'eux, et ils se sont rués sur le monstre dont la tête se balance fantastiquement au-dessus d'eux en faisant entendre un singulier bruit de clochette. Ils veulent lui arracher ses deux victimes. Ils le frappent, ils l'étreignent à leur tour. Ils voudraient le tuer, l'étouffer. Épouvante nouvelle. Leurs mains insensées ne rencontrent point la chair vivante, mais le froid du métal, des anneaux qui grincent, qui glissent les uns sur les autres, mus par quelque mécanisme infernal, écailles de cuivre qui défendent Marie-Thérèse et l'enfant contre les efforts qui tentent de les sauver, mieux que ne le feraient les barreaux d'une prison. C'est en vain que Raymond essaye d'attirer à lui les membres glacés de Marie-Thérèse, en vain que le marquis a tenu dans ses mains les mains du petit Cristobal. Ils sont impuissants à les arracher au monstre qui continue de balancer au-dessus d'eux sa tête triangulaire, dont la gueule entrouverte laisse échapper un sifflement de plus en plus aigu et cet étourdissant bruit de clochette auquel on accourt de partout. Natividad a crié « Les voilà, les voilà !» Et il s'est sauvé. Mais où se sauver? Et le marquis ne veut plus fuir, et Raymond ne veut plus quitter Marie-Thérèse. Et la salle tout entière se remplit à nouveau d'indiens, de dignitaires, de caciques, de ponches rouges qui crient au sacrilège, de mamaconas qui agitent désespérément leurs voiles noires, de soldats quichua qui font ouvertement cause commune avec la bande d'Ovier d'Oruntu, lequel seul reste invisible.